Le chemin de la vie me laissera toujours perplexe, laissant passer le temps en oubliant tous ces complexes. Pourquoi la réussite se fait-elle toujours attendre? Je suis le musicien des mots qu'il faudra comprendre. La liberté d'autrui commencera-t-elle sur le son, se libérant de ses jachères et de toutes ses moissons? Je cultive mon art, toujours sans prétention, la couleur d'un vécu afin de bien prendre position. La plume gratte le papier, j'aime entendre ce bruit, récolter le bien-être et bien faire pousser le fruit. Une époque qui ne fait toujours que constater sur le toc de métronome et moi je ne fais que claquer. L'illusion de l'image en fait toujours son esquisse. Sur le flow, je pose et constate que ça glisse. Indique-moi la route, celle de la réussite, celle qui fait que quand tu sonnes, elle t'invite. Libère-toi de ces chaînes quand tu restes attaché, justifier ton emblème sans que tu sois caché. Le mérite est une arme et je l'ai bien rechargé. Je t'invite à écouter le passé d'un mec âgé. Libère-toi de ces chaînes quand tu restes attaché, justifier ton emblème sans que tu sois caché. Le mérite est une arme et je l'ai bien rechargé. Je t'invite à écouter le passé d'un mec âgé. Le chemin de la vertu restera dans la croyance, malgré que le mal dessinera cette France toujours faite de gens impersonnels et à l'appel. C'est comme ça que je crie pour que ça t'interpelle. À chaque peine je rempile, recommence de plus belle, en voulant faire de ce son une belle étincelle. Les productions de mots, la thérapie ne fait qu'avancer, et sache qu'avant d'écrire, eh ben je ne fais que le penser. Et parce que les blessures doivent être toujours pensées, malgré que la nuit laisse place des jours insensés, la chaleur envahit mon stylo comme un philomélo, libérant la suite comme l'effet d'un psylo. Je marche sur les pas du poétiquement précis, un jour mes textes ne seront que sursis. Je te dis, même s'il en est ainsi, rien de grave, je ne ferai que dire merci. Libère-toi de ces chaînes quand tu restes attaché, justifier ton emblème sans que tu sois caché. Le mérite est une arme et je l'ai bien rechargé. Je t'invite à écouter le passé d'un mec âgé. Libère-toi de ces chaînes quand tu restes attaché, justifier ton emblème sans que tu sois caché. Le mérite est une arme et je l'ai bien rechargé. Je t'invite à écouter le passé d'un mec âgé. Sur la puissance de ce son, j'exprime le ressenti, celui qui fait le bien parmi le mal le pressenti. Substitut de la vie qui te fait toujours comprendre que chaque jour a décimé ce qu'il te reste à prendre. Que dire si ce n'est que P2OP à la fois, laissant place à son imagination, je peux dire parfois, parce que rêver est peut-être la seule chose gratuite, sans prendre le ticket ou c'est écrit fuite. Liberté des mots dans ce monde qui se dit brut, justifions l'envie de crier aussi fort dans une chute. J'active l'image de ces couleurs subliminales, laissant la lourdeur de ce côté qui se dit animal. Je laisse faire ce temps, et parce que c'est ainsi, et malgré qu'avance la fatigue d'un sursis, à toi de diffuser une certaine parole, l'oublier le temps d'une raison qui décolle.